s'adapte. C'est rien, on s'adapte. C'est rien, on s'adapte. C'est rien, on s'adapte. Ils sont jaloux. C'est rien, on s'adapte. Ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte. Ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte. Y'a que des loups. C'est rien, on s'adapte. Ils sont jaloux. C'est rien, on s'adapte. Ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte. Ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte. Y'a que des loups. C'est rien, on s'adapte. Température bouillante, rouillarde. Dis-moi la situation, te cache, on s'adapte. Je suis revenu brûlant, troublant. Sur le beat, quand ça part de table, je m'arrache, bip. Va dire aux jaloux qui pardonnent nous, te casse pas la tête, photo, on s'adapte. On est bébé. Sur le beat, c'est qu'on pépé. C'est la Liga One, on reste bébé. Qui veut test? Eh vas-y, faites-moi la queue. Et je tourne en rond, comme ce disque dans ta gova. Quand tu vois le nom, c'est que ta femme sera dans nos bras. On veut tout prendre comme Salvatore. Et si tu es déter, vas-y, fais mieux. J'arrive en dum, monte derrière. Tu parles de moi, je vais te casser le derrière. Ils sont jaloux, je suis dans le game depuis l'année dernière. Je sais qui m'aide quand je suis en galère. Je sais qui braque pour avoir un salaire. Je sais qui me traque sur le net. Mais pour eux, je suis trop loin, donc nique sa mère. Oh, même pas la police. Je mange la flic, elle est trop jolie. Je les vois et ils me prennent en poursuite. Ils veulent une photo, c'est la folie. Ah, voilà. Si t'es pas de la Honda, ne reste pas là. Je me dévoile pas trop, je vis pas du rap gros. Ils se prennent pour Pablo, dehors ça joue les bras gros. Même si ton poteau t'envoie des infos, ne crois pas ce qu'il raconte. Si tu vois qu'il sonne faux, trop de folles, beaucoup trop de jaloux. Je te connais même pas, gros, dis-moi t'as mal loup. Beaucoup te lâcherais, beaucoup veulent ton malheur. À croire que l'amitié a perdu ses valeurs. Ne sois pas jaloux, c'est ton air de râleur. Dans la vie, soit tu bosses ou bien t'es un branleur. C'est tes manières, tire à les faire ailleurs. Beaucoup manient de faire, bien mieux qu'un ferrailleur. Si t'as parlé, faut pas nier. Dans la merde, poto, on y est. On essaye, y'a pas d'allié. Liga One, industrie, poto, ça y est. C'est rien, on s'adapte, ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte, ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte, y'a que des loups. C'est rien, on s'adapte, ils sont jaloux. C'est rien, on s'adapte, ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte, ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte, y'a que des loups. C'est rien, on s'adapte. Mon poteau, j'ai pas dit. Pour ça, tous les jours, j'me saoule. Ta carcasse au pare-brise, on te roule dessus. J'suis pas trop les fous. J'suis pas trop les gays dans la zone. Ça te brûle ton corps à l'azote. Mes potes, crois pas, t'as la cote. Tu ramènes que des folles perdues à la zone. Sur le bitume, on a passé tant d'années. Dans les studios, dans les packs, dans les halls. Où tu sais, non, on est condamné. J'ai pas trop le choix. Faut que je paye la vie, la mama. Traîne pas trop le soir, petite fille de chacal, veulent la main. Tu veux le bonsoir, viens par là. On accélère, tu te gares là. Dis-le-moi si je m'égare là. Si t'as une fille, bien garde-la. On manque de l'offre, demande à FRIZ. Marseille, on fait la diff, y'a des gains qui nous aident. À part la Liga One, y'a personne, tu le sais. Oui, faut pas le faire, mais quand même, tu le fais. Oh, y'a pas aimé, on s'adapte. Dans la surface, c'est vers sa tacle. J'ai des bons souvenirs, ça date. Liga One dans les baffes, ça tape. On fait du bon son et on s'emballe. Sur la piste, move your body. On fait du bon son et on s'emballe. Mais sur la piste, move your body. Ce que je veux, la maille, la mer, y'en a marre. Même si l'oseille fait pas de bonheur. Donc si tu veux de la bonne, y'en a. On rock la night, la team tue, c'est soirée rapat. Demande à mort, t'attends, même si la vie est dure, on s'adapte. Et laisse voler, je vais te faire planer comme en l'air. Ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte. Ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte. Y'a que des loups. C'est rien, on s'adapte. Ils sont jaloux. C'est rien, on s'adapte. Ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte. Ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte. Y'a que des loups. C'est rien, on s'adapte. Ils sont jaloux. C'est rien, on s'adapte. Ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte. Ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte. Y'a que des loups. C'est rien, on s'adapte. Ils sont jaloux. C'est rien, on s'adapte. Ils refont comme nous. C'est rien, on s'adapte. Ils s'en prennent à nous. C'est rien, on s'adapte.